بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره متفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب لعن الله من لعن والديه chapitre الله سبحانه وتعالى مدي les personnes qui maudit leurs parents. Et ça c'est un adab, c'est sous adab مع الوالدين. Et ça قل ما يقع. C'est rare, يعني, qu'on entend ce genre de comportement, ce genre de paroles vis-à-vis des parents. ففي صدر الأول, dans la première époque, فكان يستغربون ذلك. Il y avait des achia dont ils ont dû se réformer par le biais de la religion. Mais il y avait des achia que, même dans la jahiliya, ils savaient que c'était une chose qui était incohérente. لا يتوافق مع العقل, c'est une chose qui ne rentre pas dans les esprits. Dans le hadith, il est venu, لعن الله من لعن والديه. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Ils ont dit, يعني, كيف يلعن الرجل والديه? Comment est-ce possible qu'une personne maudisse ses parents? فاستغربوا ذلك جدا. لأن هذا c'est incohérent, c'est une chose qui n'est pas cohérente du tout. L'imam al-Bukhari, رحمه الله تعالى, il a évoqué ce chapitre-là après عقوق الوالدين. وفي الحقيقة, ça s'arrange dans العقوق. C'est comme un bayan barda, ou c'est plutôt comme un tafsil barda al-umum. عقوق الوالدين, comme on a pu voir, c'est l'issa'a. C'est la malfaisance envers les parents, que ce soit par les biais des paroles, des actes, et même des attitudes. فهنا, c'est comme un tafsil. Il nous évoque يعني بعض العقوق. Certaines choses qui rendent le حقوق. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلُ يَلْعَنْ وَالِدِهِ que la personne, elle maudit ses parents. Et قَالَ الْعُلَمَا que ce soit directement ou indirectement. أما directement, ça c'est la chose qui est incohérente et la chose qui ne rentre pas dans les esprits des sahaba. Malgré qu'à notre époque, c'est une chose qui peut être monnaie courante. Que quelqu'un, il insulte ses parents, il maudisse ses parents. Tellement, يعني, les gens, ils sont distants de la religion. Distants, يعني, des mœurs et des moralités qui sont incohérentes d'exister dans les cœurs des personnes qui sont normalement constituées. Insulter ses parents, ça c'est une chose qui est qu'ajib vidman. Lakin, à notre époque, c'est une chose qui devient courante et fréquente. On entend Foulel l'insulter son père, l'insulter sa mère. Enfin, yani, ça rentre dedans al-la'n, parce que le qui est direct et indirect. Directement, c'est qu'il dit il maudit sa mère directement ou bien son père directement. Et indirectement, comme a déjà fait le hadith, c'est-à-dire qu'il va insulter le père ou bien la mère d'une personne, et cette personne-là, yani bil adl, il va lui rendre l'appareil. Hada jaiz. Comme a déjà fait le hadith sur le Sahih al-Muslim, قال المستبان مقالة فعلى البادي منهما مقالة. Lorsque deux personnes s'insultent, et fait le hadith, yani إذا لم يعتدي لهم. Lorsque deux personnes s'insultent, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى البادي منهما مقالة. Celui qui a commencé, c'est celui qui va prendre le péché. C'est-à-dire, il va insulter, et l'autre, il va lui rendre l'appareil, et il va prendre deux péchés. Le péché d'avoir commencé, et le péché qui va revenir sur ses parents, bien sûr, lui-même. T'as le مستبان مقالة فعلى البادي منهما مقالة ما لم يعتدي. T'as le droit d'insulter une personne qui t'a insulté. لكن لا تتجاوز. كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم celui qui a transgressé sur vous فاعتدوا عليه transgressé sur lui كما اعتدى عليكم comme il a fait sans dépasser les limites واتقوا الله يعني quelqu'un qui t'insulte d'une parole je ne sais pas on va dire un exemple il va dire imbécile tu lui réponds par imbécile mais si jamais tu rajoutes فهنا aussi tu vas prendre le péché par rapport à l'ajout que tu as fait dans le hadith il est dit qu'il est autorisé de répondre. Enfin, celui qui va maudire le père ou la mère d'une personne, cette personne-là, automatiquement, il va répondre et il va maudire son père et sa mère. Enfin, il va prendre deux péchés. Le péché d'avoir maudit le père et la mère de cette personne-là, et le péché par rapport à la mauvaise parole que va dire celui qui a été insulté. Mais celui qui est insulté, il n'aura pas de péché. Il n'aura pas de péché dans cela parce que Sami Adida et Allah Azza wa Jalla a autorisé, lorsqu'on transgresse sur nous, de transgresser sur cette personne-là à partir du moment qu'on ne dépasse pas les limites, qu'on ne rajoute pas dans les mots et dans les propos. Fa kama ja fi al-hadith la'ana Allahu man la'ana walidi. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Fa qalu fa kayfa yal'anu ar-rajul walidi. Comment est-ce possible qu'une personne puisse maudire ses parents? Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yubayyin lahum, il a expliqué, fa qala yasubbu aba ar-rajul, il insulte le père d'un tel, fa yasubbu aba, et ce dernier va insulter son père. Fa yasubbu aba, c'est comme si jamais et yani indirectement il avait insulté aussi son père. Celui qui a insulté le père d'une personne, c'est comme si jamais il s'était auto-insulté, ou qu'il avait auto-insulté ses parents. Parce que le fait que la personne répond, eh ben c'est une insulte sur ses parents qui est autorisée, parce qu'on l'a, on l'a transgressé sur lui. Enfin, la'ana Allah, Allah Azza wa Jalla maudit, celui qui maudit ses parents, que ce soit directement, et ça c'est très grave, ou que ce soit indirectement. Et ceci nous montre que ça fait partie des kaba'ir. Parce qu'Allah Azza wa Jalla le maudit. La'ana Allah. Ça fait partie des kaba'ir. Jiddan. Al-la'an qala al-ulama. Lughatan huwa at-tard. At-tardu. Yani le fait d'être rejeté. Ou l'ibtihad. Le fait d'être éloigné. Qalu ala sabil as-sakht. Le fait d'être écarté et éloigné. Lakin Allah Azza wa Jalla l'écarte et l'éloigne avec yani colère. Amma, tu peux être écarté, éloigné d'un péché. Le fait de s'écarter d'une chose ou bien d'être éloigné d'une chose, ça peut être un khair. C'est le fait d'être écarté et éloigné. Allah Azza wa Jalla yaghdab alayhi et il écarte de tout khair. Yub'iduhu an rahmatihi. Et ça, c'est juz'iyan. C'est pas kulliyan. Il écarte pas totalement de sa miséricorde. Lakin, il écarte partiellement de sa miséricorde. Et le fait d'être partiellement écarté de la miséricorde d'Allah, c'est être exposé à l'adversité de Shaitan, et c'est être découvert, ne pas avoir les asbab qui vont nous permettre de pouvoir être épargné et protégé de l'adversité et du mal de Shaitan. Et celui qui est mab'oud, min rahmatillah, qui est mal'oun, qui est écarté, éloigné, eh ben, il se rapproche de Shaitan. Et qu'à les cas de son nefs, l'ammaratun bisou, de son âme qui va l'appeler à faire du mal. Donc, yani, al-la'an, at-tard, wa al-ib'ad, qu'il soit partiellement, c'est déjà très grave. Wa jaf al-hadith, même si jamais il y a un kalam, yani, fihi dha'f, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la takilina nafsi tarfata'in. Mais n'est-ce pas, yani, à mon propre sens, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Que ce soit l'instant d'un clin d'œil. Ça nous montre, même si le hadith, il y a kalam, il y a da'f, le hadith, il n'est pas authentique. La kenan ma'ana sahih. La personne qui voit sa propre personne, ne serait-ce, comme il a été dit dans le hadith, l'instant d'un clin d'œil, cet instant-là, il peut se passer beaucoup de choses. Même si c'est un court instant, la kin, c'est, ce court instant suffit pour mettre la personne à la perdition. Allah, même si elle est à tard, même si elle est partielle, il est très très grave. Il est très très grave. وزادوا على ذلك فقالوا وذلك من الله عز وجل في الآخرة عقوبة. Celui dont Allah عز وجل maudit, il sera نعم puni يوم القيامة et sanctionné يوم القيامة. مبعود من رحمة الله, c'est-à-dire que il est écarté, il est éloigné de رحمة الله. ومن رحمة الله الغفران, le fait qu'il soit pardonné. ومن رحمة الله Allah Azza wa Jal, il lui accorde la shafa'a. Donc ça, c'est s'exposer au châtiment d'Allah Azza wa Jal et à sa colère. Yawm al-qiyama. Qalu wa zalika min Allah ta'ala fil akhirati uquba. Mada taqtadi la'natullah fil akhira. Si une personne est maudite par Allah Azza wa Jal fil akhira, il aqtadi que cette personne-là, il se peut très fortement qu'Allah Azza wa Jal ne lui pardonne pas et ne lui accorde pas la shafa'a. Donc, c'est-à-dire qu'il devra être purifié par le feu de l'enfer. قال وفي الدنيا من انقطاع قبول رحمة الله عز وجل وتوفيقه. Et la malédiction d'Allah عز وجل في الدنيا ماذا تقتضي, qu'est-ce qu'elle comporte? Et bien le fait que cette personne-là, il est mahzoun, il est abandonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la réussite, naam fi dunya, il ne donne pas la réussite fi dunya. Fa'idan, s'il n'est pas dans la réussite, il est dans l'abandon. Fi al-khuzlan, cette personne-là sera mahzoun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, in yansarkum Allah, fala ghaliba lakum. Si Allah azza wa jalla vous secourt, personne ne pourra vous dominer. Qala wa in yakhzulkum, faman dhal ladhi yansarkum min ba'di. Et si jamais il vous abandonne, qui en dehors d'Allah azza wa jalla pourra vous secourir? فهذا هو الذي يقتضي وتقتضي اللعنة. Que cette personne-là, elle est exposée à son propre sort, c'est-à-dire à la perdition. قال رحمه الله. قال حدثنا عمرو ابن مرزوق. Il fait partie des ثقات et des personnes qui étaient فاضل et des روزا في سبيل الله عز وجل. C'était quelqu'un qui a beaucoup combattu في سبيل الله. C'est un grand مجاهد رحمة الله عليه. قال أخبرنا شعبة. شعبة هو الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث. Un très grand imam dans le hadith. قال عن القاسم ابن أبي بزة. Qui fait partie aussi des ثقات. Mais qui a peu de hadith. قال عن أبي الطفيل. وأبو الطفيل c'est عامر ابن واسلة. Il fait partie des الصحابة. Et c'est le dernier des الصحابة qui est mort. آخر الصحابة موتا. Le dernier des compagnons qui est mort c'est أبو الطفيل. Et son nom c'est Amir ibn Wathila, radiyallahu anhu. Qala su'ila Ali, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Qala al-khassakum al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, bishay'in lam yakhussa bihi an-nas, kaffatan. On a interrogé Ali, radiyallahu anhu. Est-ce que le prophète, alayhi wa sallam, vous a spécifié d'une chose dont il n'a pas spécifié la majorité des gens? Qala ma khassana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, bishay'in lam yakhussa bihi an-nas. Il a répondu que le prophète nous a pas spécifié une chose dont il n'a pas spécifié les gens. Ce qui vous a spécifié, ce qui vous a enseigné, il nous l'a cadré et qu'a enseigné. Il n'y a pas une chose par laquelle on se différencie de vous concernant le wahi. Qala illa ma fi qirab sayfi. Excepté ce qu'il y a dans le fourreau de cette épée. Qala thumma akhraj sahifatan, et ensuite il a sorti des feuillets. Qala fa idha fiha maktubun, et il était écrit dans ces feuillets-là. لعن الله من ذبح لغير الله. Allah عز وجل maudit celui qui égorge pour un autre qu'Allah عز وجل. قال لعن الله من سرق منار الأرض. لعن الله من سرق منار الأرض, c'est-à-dire que celui qui modifie les balises, c'est un bon mot, de la terre, c'est-à-dire les distances, les frontières qui ont été données à chaque terre. قال لعن الله من لعن والدي. Allah Azza wa Jalla maudit celui qui maudit ses parents. قال ولعن الله من آوى محدثا. Et Allah Azza wa Jalla maudit celui qui protège un muhdith, c'est-à-dire un mubtadi', celui qui innove. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi. De ce hadith-là, لعن الله من ذبح لغير الله. Et celui qui égorge pour autre qu'Allah Azza wa Jalla, que ce soit celui qui intentionne lorsqu'il égorge autre qu'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire il va dire Bismillah par la langue, lakin son cœur il voue cette offrande-là pour un autre qu'Allah. Tam pour Sahib al-Qabr, pour le Wali al-Fulani, pour Sayyid al-Fulani. Tam. Fa, hada c'est du shirk, parce que ça c'est al-dhabh yakun lillahi Azza wa Jalla. Kama qala jalla wa ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Azza wa Jalla il a évoqué que le nusuk il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala jalla wa ala, فصلي لربك وانحر. أي وانحر له. فصلي لربك وانحر أي وانحر له. يعني انحر c'est-à-dire de sacrifier, immoler une bête pour Allah عز وجل. Donc c'est une عبادة qui est pour Allah سبحانه وتعالى خاصة. Et Allah عز وجل maudit celui qui fait cela. Et الآن اللعنة هنا c'est une لعنة qui est quoi? Qui est total. لعن الله من ذبح لغير الله, c'est-à-dire celui qui prononce pour Allah بسم الله لكن il intentionne pour autre qu'Allah. Fait cette personne-là, c'est un kufr billahi azza wa jalla. Hada kharaja min al-islam. Et cet éloignement-là et cette distance-là, c'est une distance qui est totale. Hada kharaja an rahmatillah bi kulliya. Il est sorti de la miséricorde d'Allah azza wa jalla, qui est l'islam. Ou bien, يعني لعن الله من ذبح لغير الله, une deuxième sourate, c'est-à-dire c'est la personne qui évoque lorsqu'il prononce autre qu'Allah azza wa jalla. Fada kadhalika la yajuz. على الشرك في التسمية. الله عز وجل يقول وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يِذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Enfin, le nom d'Allah Azzawajal doit être prononcé lorsqu'on égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça rentre dans le shirk, dans l'istihana, parce que lorsqu'on dit Bismillah et Astarim, Billah, et c'est une chose dont on ne peut que prendre l'aide auprès d'Allah Azzawajal. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. Et Allah عز وجل a spécifié l'immolation par le fait qu'on doit prononcer son nom, car on ne peut immoler comme Allah عز وجل l'aime et l'agré que par l'évocation de son nom جل وعلا. فالان الشرك rentre dans les deux, dans deux parties, dans الشرك dans le maqasid, dans les intentions, ou dans le shirk, il y a un effet tasmiya, et même dans l'istihana. Parce que le ba dans bismillah, c'est l'istihana, astarim, billah, jalla wa ala ala, rabihati hadhihi naham. Fa, que ce soit le shirk, l'istihana wa tasmiya, ou bien le shirk, dans le maqasid, les deux font partie de la la'ana qui est totale. Celui qui fait cela, il est sorti complètement de l'islam. Wa ala bilijma, la khilaf, bayna al-ulama, fi dhalika naham. Qala la'ana Allahu man saraqa manar al-ard. Maudit est celui qui aura modifié, parce que saraqa huna c'est bimarna ghayyara, lakin, lorsqu'il le modifie, c'est pour un but bien précis, c'est-à-dire pour s'acquérir quelques centimètres ou quelques mètres, quelques hectares de cette terre-là. Ceux qui font cela, c'est dans le but de prendre le bien de l'autre. Que ce soit d'un pays, que ce soit un bout de terre, afin qu'il ait plus d'hectares que Fulan, ou bien ce que, lorsqu'on te vend une maison, on te vend le terrain et tu veux. Certaines personnes, ils veulent gratter un peu de mètres, pour se faire une véranda, pour se faire ceci et cela. Fa saraqa huna bimana ghayyara. Manar al-ard, c'est-à-dire les limites al-alama, les alama qui ont été données pour délimiter les hectares, les mètres qui sont à cette terre-là. Fa hadha man fa'ala dhalika, il est maudit. Donc ça nous montre que ça fait partie des kabar, parce que c'est volé. Fil haqiqa, c'est le fait de voler. قال لعن الله من لعن والديه. Et ça, comme on a pu le voir, que ce soit ibtida'an, et directement à l'insu de ses parents, il est maudit, et ça c'est très grave, c'est incohérent, ça rentre pas dans la logique, c'est illogique de faire ça. Pour quelqu'un qui est normalement constitué, car al-fitra. Ou bien, et ça peut arriver, yadlim al-nas, il insulte, et il maudit les pères et les mères des autres, et eux, automatiquement, ils vont répondre aussi, ils vont maudire les pères et les mères de ces personnes-là. Donc il aura pris le péché d'avoir maudit le père et les mères de ces personnes-là, et il va prendre aussi le péché d'avoir provoqué cette personne-là vis-à-vis du fait qu'il a insulté ses parents. Donc c'est comme si jamais il avait insulté ses parents. Et ça fait partie des uquq. Lianna, comme on a pu voir, l'uquq, c'est le qat'a, le fait de rompre les droits des parents, et parmi cela, le fait d'être malveillant, et ça passe par le fait, même si jamais c'est indirectement, d'insulter les parents des autres. قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. Allah Azzawajal maudit celui qui refuge les muhdith, c'est-à-dire celui qui innove dans la religion. Ça nous montre le danger de al-bid'a fi d-din. Fa al-bid'a la mal'una. La bid'a, c'est quoi? Al-ihdas fi d-din wa al-bid'a, c'est la même chose. Elle est mal'una, elle est maudite. Il y a une malédiction pour celui qui va innover dans la religion. Man awa muhdithan. Awa muhdithan, c'est-à-dire que il polémique pour cette personne-là. Il défend cette personne-là. Fil batil. لأن البدعة c'est باطل, c'est الهوى, c'est en dehors du حق. قال جل وعلا فماذا بعد الحق. Et la bid'a ne fait pas partie du حق إلا الضلال. Donc elle ne peut que faire partie de l'égarement. Enfin, celui qui protège un muhdith, il a protégé un égareur. Si jamais ça se dit, le mot mushrik ça se dit pas, mais c'est un mot qui est utilisé. Celui qui égare. Donc ça rend ça nous montre l'importance de faire attention à pas défendre n'importe qui. Pas à défendre n'importe qui. Il y a des gens qui sont indéfendables. Comme le Mubtadi ou le Muhadith. Il est indéfendable. Même si jamais c'est nos pères, c'est nos mères, on ne peut les défendre, ces personnes-là. Ils sont indéfendables. Comme قال سبحانه وتعالى وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Le verset 107 de Surat al-Nisa. Allah Azza wa Jalla a interdit de polémiquer, de défendre les personnes qui se sont trahies eux-mêmes. Et celui qui a désobéi Allah, celui qui a innové dans la religion, il s'est trahi. Fahada, c'est un ajout de ce hadith-là. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ. لعن الله من آوى محدثا parce que ces personnes-là, on ne peut les défendre. Allah Azza wa Jalla nous a interdit de polémiquer pour ces personnes-là, de défendre ces personnes-là. Au contraire, il faut les dénoncer, il faut les réfuter, il faut réformer le mal qu'ils ont fait. Et Kazalika, ils ont évoqué le ulama muhdith, ils ont évoqué celui qui de protéger une personne qui encourt une sanction pénale vis-à-vis de la religion. Quelqu'un qui a volé, on doit le couper, qui a volé et qui a atteint le seuil par lequel sa main est coupée, ou bien celui qui a fait zina, celui qui a il y en a parmi les hudout, celui qui a fait zina et qui est marié, enfin ils ont tous des sentences. Et toi tu viens et tu défends ces personnes-là, ou bien tu les réfugies, tu les caches afin que ils soient épargnés de la sentence. Fahada il est maudit. Hada il est maudit. Al-an, tu veux faire du bien à une personne et c'est un mal énorme qui revient sur toi. C'est un mal qui est énorme. La'anallah. Donc ça rentre dans les deux. Comme celui qui encourt une sentence et celui qui innove dans la religion. C'est un hadith qui est azim jiddan, rapporté par un musulman authentique. On se contente de cela, inshallah. Nas'Allah Azza wa Jal an yanfa'ana wa iyyak bima sami'na wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.